Bonjour à tous, bonjour Philippe. Salut Joe. Bienvenue dans Analyse ton foot, ATF. Alors ici on parlera de football anglais. On va parler de football anglais et on va essayer d'analyser les différents styles de jeu utilisés par les entraîneurs en première ligue et voir comment les équipes évoluent sur le terrain au fil de la saison. Ouais, les dynamiques des coachs, les dynamiques des joueurs, les dynamiques des équipes seront scrutées. On va vraiment rester au plus proche du terrain pour analyser tout ce que font les équipes à l'intérieur de ce podcast. Et pour ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur James Maddison et Leicester. Alors Leicester cette année c'est pas trop ça, l'équipe je trouve qu'elle est plus la même niveau offensif à part Vardy qui est super fort mais c'est le seul qui est en attaque. Et après en termes de défense, la défense elle est super nulle, c'est à dire qu'en gros je pense qu'ils sont même parmi les derniers du classement en termes de buts marqués. Et voilà, après je pense qu'il faut qu'ils changent d'entraîneur parce que ça va plus. Après 14 journées de Premier League, Leicester est deuxième du classement à seulement 8 points du leader Liverpool. James Maddison, il semble être un des hommes forts de l'équipe, il guide le collectif, il mène les attaques, il donne le tempo, c'est vraiment un des hommes à tout faire de Brendan Rodgers. Et pour couronner le tout, et grâce à son début de saison canon, il a connu sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre face au Monténégro, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, face au Monténégro. Alors qu'on attendait un nouveau duel au sommet entre le City de Guardiola et le Liverpool de Jurgen Klopp, un City un petit peu décevant ce début de saison. La saison dernière, on avait eu une magnifique course au titre entre les deux équipes. Et bah, Leicester s'ajoute à l'addition. Tout comme le Chelsea de Lampard. Ouais, on analysera le Chelsea de Lampard dans un futur podcast. Et bah, c'est Brendan Rodgers, le nouveau coach qui succède à Claude Puel à la tête de Leicester. Il a coaché Liverpool entre 2012 et 2015, je le rappelle, avant d'être limogé par le club pour faute de résultats. Il est ensuite parti au Celtic Football Club et ici à Leicester, il joue un plutôt beau football, il gagne des matchs et en l'occurrence, il reste sur 5 victoires de rang, donc 4 clean sheets, ce qui n'est quand même pas rien en Premier League. Et la question qu'on se pose tous du coup, c'est est-ce que Leicester va réussir à tenir cette cadence? Et est-ce que James Maddison arrivera à garder ce niveau qui fait de lui un des meilleurs joueurs de Premier League en ce moment? Ouais, sachant qu'il a 4 buts et 2 passes décisives en 12 matchs de Premier League. Alors pour attaquer directement dans le vif du sujet, on va parler de l'aspect défensif de James Maddison, qui occupe toujours la ligne de 4 de Leicester, hein, qui joue en 4-1-4-1. Il a joué 5 fois sur l'aile gauche avant de repiquer dans l'axe sur consigne du coach et de former le milieu avec Tielemans, très prolifique à Leicester d'ailleurs. Alors si on devait qualifier son aspect défensif, on peut dire qu'il défend pas énormément, mais lorsqu'il défend, il le fait bien. C'est ça, il le fait pas souvent, mais quand il le fait à 100%. Il met beaucoup d'intensité, il n'hésite pas à redescendre de temps en temps et tacler et se jeter. Bon, il prend des fois quelques cartons, mais bon, vu son âge, on lui pardonne. Ouais, on va pas lui vouloir, surtout en Premier League, de mettre de l'intensité. Si on zoome un peu sur le match contre Liverpool, par exemple, perdu 2-1 à Anfield, c'est le match où Leicester a le plus défendu. Il jouait axe gauche contre Liverpool et il était très libre. Hein. C'est une consigne de Brendan Rodgers de le laisser assez haut et proche de Vardy au cas où ça parte en contre-attaque. Et finalement, on peut constater que sur les phases défensives où Robertson avait le ballon, les latéraux de Liverpool qui sont très très hauts, c'est Tielemans qui prenait la place de Maddison et qui faisait le travail, les mètres, le nombre de distances parcourues sur les ailes hein, qui sont très importantes. Et Maddison finalement prenait la place en trottinant derrière de Tielemans, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de communication entre les deux. Ce schéma il se retrouve plusieurs fois hein, depuis le début de la saison. On a pu le noter dès les premiers matchs, notamment contre Wolverhampton et Chelsea. Ces deux matchs se sont finis par un match nul. D'ailleurs, pour en revenir à Anfield, on peut dire que cette tactique a porté ses fruits puisque James Maddison a trouvé le chemin des buts en fin de match. Ouais, à la 80e minute exactement, il met une frappe en une touche de balle de l'extérieur de la surface de réparation. C'est surtout son déplacement sans ballon en fait qui lui permet de jouer en une touche. On va donc passer à cet aspect-là du jeu, comment il fait pour se retrouver démarqué et comment ensuite il organise le jeu. Alors Maddison, il se déplace très bien sur le terrain, il a cette faculté à se retrouver entre les lignes. Le 4-1-4-1 de Brendan Rodgers et la tactique de Leicester de ne rendre aucun ballon bêtement, de relancer en passe et de ne pas le balancer loin devant, Ça lui permet d'occuper les endroits libres sur le terrain. Ouais, il a déjà des repères sur le terrain, en fait. C'est ça qui fait qu'il est vraiment fort cette saison. À titre de comparaison, sans être trop excessif, il se place sur le terrain un peu à la manière de Griezmann. C'est-à-dire que pendant les matchs, si on analyse vraiment sa façon de jouer et sa façon de se placer, il regarde toujours à droite, à gauche, derrière lui, devant lui, et plusieurs fois vraiment avant de recevoir le ballon, ce qui lui permet vraiment de se démarquer entre les lignes, un peu à la façon Griezmann. Alors, bien évidemment, sans avoir encore le niveau du français, mais ce qui lui permet déjà d'être démarqué et de se retrouver dans de très bonnes conditions ensuite pour jouer le ballon. Ouais, du coup, Maddison, il se démarque très très bien. Mais une autre qualité qu'il a, c'est qu'il s'oriente aussi très très bien. Il se met souvent trois quarts, de telle sorte à avoir le jeu face à lui et pouvoir dicter le tempo. C'est très intéressant, hein. Si on zoome encore une fois un petit peu sur ses déplacements, pour se retrouver trois quarts et pouvoir dicter le jeu, il aime bien redescendre lorsque Soyuncu a la balle, redescendre à hauteur de Ndidi, Madison. À ce moment-là, il a encore dos au but, hein. Lorsque Soyuncu lui fait une passe dans les pieds, sur le temps de passe, on a toujours un défenseur, enfin un attaquant en l'occurrence, qui vient presser Maddison. Maddison, très intelligemment, la remet à Soyuncu. Et c'est là que l'intelligence du joueur se voit. Parce que lorsque l'attaquant au numéro 10 revient se replacer dans ce milieu de terrain, Maddison ne repart pas vers l'attaque et vers Vardy. Il se déplace et oriente, c'est à ce moment-là qu'il oriente ses épaules pour recevoir une passe plus horizontale par rapport à la première passe verticale qu'il a remis en une touche. C'est une passe plus horizontale qu'il reçoit et à ce moment-là, il pivote et se met trois quarts face au jeu lorsque l'attaquant redescend. Ce qui fait qu'il se retrouve face au jeu et surtout avec un adversaire direct finalement qui est à 2-3 mètres de lui. Il a le temps d'organiser et de faire une transversale ou une passe pour Tielemans ou un autre coéquipier. Vous pouvez aller sur notre page Instagram, Analyse ton foot, où vous attend un petit schéma où vous sera détaillé plus amplement ce mouvement. Ouais, un peu de promo, ça fait jamais de mal, Philippe. Évidemment. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, je te rejoins, mais pas totalement. Ce genre de schéma arrive uniquement quand Leicester est en position basse. Et cela, ça se passe souvent en cours de jeu lorsque Meister est mené et doit faire le jeu. T'as raison, faut différencier vraiment les positions basses et les positions hautes. En début de match, il commence assez proche de Vardy et Leicester aime bien tenter quelques ballons longs, même si ça reste assez rare. Finalement, Maddison, il aime bien attaquer les seconds ballons. Vardy aime bien lui titiller les défenseurs. Mais ça, on le répète, hein, c'est souvent en début de match. La possession à ce moment-là du match est souvent basse côté Leicester. Maddison se place dans ce cas-là entre la ligne de 4 des milieux et la ligne des 4 défenseurs. Généralement, on sait que les adversaires aiment bien jouer à 4 défenseurs. Rares sont les équipes qui utilisent le 3-5-2 ou le 3-4-3. En Angleterre, il se place donc entre la ligne de milieu et la ligne de défense et il attaque souvent les demi-espaces à ce moment-là du match pour pouvoir se trouver au mieux et casser les lignes. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Maddison est trouvé alors qu'il est en position haute, cette passe élimine plusieurs milieux, ce qui laisse beaucoup d'espace à lui et Vardy pour s'exprimer. Ouais, sur une passe, vraiment 2-3 joueurs se retrouvent éliminés. Et Maddison est ensuite vraiment face au jeu, dans le sens du jeu pour enchaîner vers l'avant. Cette possession basse, on la retrouve aussi quand Leicester est mené au score contre Burnley lors de la 9e journée. Leicester était mené au score très rapidement, assez rapidement dans le match, à la 26e minute exactement. On retrouvait cette possession basse où Maddison venait chercher les ballons assez bas. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve ces schémas expliqués précédemment. Autrement, il se retrouve souvent aussi en possession haute, Leicester. Alors comment est-ce qu'il enchaîne quand il est en possession haute? Et bien là, il revient chercher la balle dans les pieds, finalement. Et c'est finalement peut-être dans ce rôle-là que James Maddison est le plus à l'aise. Lorsqu'il descend chercher le ballon et qu'il prend le rôle de liant entre la défense et le milieu, puis entre le milieu et l'attaque. James Maddison, il combine beaucoup aussi avec Ayoze Perez ou Vardy. Et ça, c'est un peu la patte de Brendan Rodgers. Sous Claude Puel, Maddison évoluait plus comme un 10, alors que maintenant, dans ce genre de possession-là, il évolue dans un poste 8-10, qu'on pourrait dire. En bref, pour résumer tout ça, James Maddison se positionne inversement à la hauteur de possession de Leicester. Ouais, c'est quand même paradoxal ce que tu nous dis, mais ça marche, hein, les résultats le prouvent, Leicester est deuxième. Maintenant, une fois qu'il a la balle, déjà, comment s'organise Leicester? Parce que Leicester s'organise différemment lorsque Maddison a le ballon. Leicester joue en 4-1-4-1, une composition qui se transforme finalement en 3-5-2 quand Maddison a la balle. Les trois défenseurs deviennent Chilwell, Soyuncu et Johnny Evans. Ndidi utilise toujours son rôle de numéro 6 et Barnes ou Pret évolue alors milieu gauche, Maddison toujours dans l'axe avec Tielemans et Ayoze Pérez sur l'autre côté avec Pereira en fait qui est monté d'un cran et qui colle la ligne avec toujours ce diable de Vardy en pointe. Un schéma là encore une fois sera sur Instagram pour avoir plus de visibilité sur ce 3-5-2, ce qui permet en fait à Maddison de redescendre chercher la balle et d'avoir tout le jeu face à lui. Il a 5 joueurs devant lui lorsqu'il a la balle. On les compte assez facilement quand on regarde les matchs de Leicester. Hein. On a Barnes, Tielemans, Ayoze Pérez, Vardy et Pereira, donc qui a évolué d'un cran et qui occupe le poste de milieu, voire attaquant. Il a mis un but cette saison assez beau. D'ailleurs, pied gauche. Et sa large palette technique lui permet de varier son jeu. Maddison, il a le pied droit, il a le pied gauche, et il manie très très bien l'extérieur du pied, qui rappelle peut-être celui de Modric. Il n'a que 2-3 orteils de Modric alors, hein, parce que on va pas non plus le comparer au plus grand. Et à Quaresma, jamais. C'est vrai, t'as raison, il va pas signer demain au Real Madrid, il a encore un peu de temps devant lui. Mais il a quand même, du coup, comme on disait, une très très bonne palette technique, hein. Comme le montre son taux de passe réussi cette année, hein, qui est très élevé, il est à 83%. Et il a surtout une précision de frappe, hein, qui est assez chirurgicale. On retient celle de Tottenham à la 85e minute, hein, qui donne l'avantage quand même à Leicester sur cette victoire 2 buts à 1. Sa bonne frappe, ça fait quand même de lui le meilleur buteur de Premier League de l'extérieur de la surface de réparation cette saison. Sur ses 4 buts, il en a mis 3 de l'extérieur des 16-50. C'est quand même une prouesse assez bonne lorsqu'on sait les bons tireurs qu'il y a en Premier League. Et le dernier aspect sur lequel on va s'attarder, ce sera les coups de pied arrêtés. T'en penses quoi, toi, des coups de pied arrêtés de James Bah, Maddison? il tire très très bien les coups de pied arrêtés, hein, coup franc ou corner. Si on s'attarde sur les grosses équipes et les bons joueurs, ils tirent pas toujours bien les coups de pied arrêtés. C'est souvent un défaut qu'on retrouve dans certaines équipes. Maddison, il a une précision sur sa patte droite, pardon, qui est étonnamment bonne. Il a mis un coup franc contre Southampton, un corner en tant que passe décisive contre Crystal Palace. Et certains même ne sont pas comptabilisés comme passe décisive parce qu'il y a des petits cafouillages ou elles sont un petit peu déviées. Je pense au corner contre Arsenal sur le but de Soyuncu. Mais c'est un aspect de son jeu qui est vraiment très important chez lui. En bref, Maddison, malgré son jeune âge, est un joueur très très complet. Pour conclure, on peut se demander quelle est sa valeur actuelle. Il a été acheté pour seulement 25 millions à Norwich à l'été 2018, mais aujourd'hui, il en vaut sûrement le double, voire le triple. Et de quoi son avenir sera fait, ça aussi, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il va prolonger à Leicester, hein, qui est en train de devenir au fil des années un petit cador anglais, ou partir, hein. Certaines rumeurs l'envoient dans d'autres clubs, comme Manchester United. De toute façon, on le retrouvera sûrement à l'Euro 2020 avec l'équipe d'Angleterre, hein, et on espère qu'il nous éblouira une nouvelle fois, et qu'il emmènera son équipe le plus loin possible dans la compétition. Ouais, on s'est quand même très attardé sur Leicester et sur Maddison. N'a pas oublié qu'à Leicester, il y a quand même d'autres joueurs qui font une très grosse saison avec James Maddison. On pense notamment à Soyuncu, Vardy, Tielemans et Chilwell en particulier. Voilà, ce sera tout pour ce podcast spécial Maddison façon Leicester. On va maintenant passer à la minute fan, le principe, faire un micro-trottoir et d'interroger des fans de Premier League à ce sujet. Bah, c'est une équipe à craindre déjà. Pourquoi? Là, ils sont en deuxième. Ouais. Donc, moi, je me dis, ouais, cette année, ils peuvent le refaire, quoi. Ils peuvent le refaire. Ils peuvent le refaire. Comme en 2015. Comme en 2015. Moi, ça fait des années, j'attends, tu rêves. J'espère que ni Leicester, ni City, voilà. Déjà, il y a 10 points d'avance, quoi. Ou 9, 8 points, oui, ouais, 8 points, ouais. J'espère que le prochain match, ils vont perdre, voilà, pour avoir 15. Moi, c'est 15 points de. Leicester, ils sont actuellement deuxième de Premier League. Jérémy Vardy, c'est le meilleur buteur. N'Golo Kanté, il vient de là-bas. Je pense qu'ils peuvent regagner la Premier League. Cette année, je pense pas, mais ils peuvent finir les trois premiers, ouais. Bon, à chaque fois, il y a des petits pépins qui m'empêchent. Je ne suis pas resté figé devant la télé. Ça m'a embêté un peu. Liverpool ne les laisserait aucune chance. Leicester, mes statistiques, on va dire les Big Four. Bon, c'est même pas les Big Four, on va dire les Big Five. Parce que Leicester ne fait pas partie des 16. Big six. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un second podcast sur Chelsea façon Lampard. À bientôt. Audio Hub.